Sous la direction des dirigeants suprêmes de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, le deuxième lancement d'essai de la fusée balistique intercontinentale de type Façon 14 a été effectué fructueusement dans la nuit du 28 juillet de l'an 106 du JT 2017. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a dirigé sur place le lancement d'essais. Le dirigeant suprême qui remporte victoire sur victoire au-delà de l'imagination par son intelligence militaire, son courage et son habileté, avait précisé au secteur de recherche de fusées la tâche militante de procéder dans un court délai au lancement d'essais pour la portée maximale de la fusée balistique intercontinentale de type Façon 14, et de vérifier une fois de plus la crédibilité de l'ensemble du système de fusées. Les hommes scientifiques et les techniciens du domaine de la défense nationale, fidèles à notre parti, qui réalisent tout objectif d'un seul coup avec la confiance absolue dans le parti, en partageant la pensée avec le dirigeant et en marchant du même pas que lui, ont achevé avant terme les préparatifs du deuxième lancement d'essai de la fusée balistique intercontinentale au bout du combat décisif, avec l'ambition de montrer bien clairement devant le monde entier la puissance indescriptible des forces armées nucléaires stratégiques du Parti du Travail de Corée. Informé chaque jour de l'état de préparatif, le dirigeant suprême avait donné ses instructions détaillées et la nuit du jour de lancement, il a dirigé sur place le lancement d'essai. Le nouveau lancement a pour objectif de vérifier définitivement les caractéristiques techniques de l'ensemble du système de l'armement, y compris la portée maximale de la fusée de type Façon 14, susceptible de porter l'ogive nucléaire grande et lourde. À l'ordre du dirigeant suprême, la fusée s'est lancée en repoussant l'obscurité et en montrant la force inépuisable de la Corée héroïque. La fusée, lancée dans la région du nord-ouest de notre pays, est montée jusqu'à 3724,9 km d'altitude maximale, a volé 998 km pendant 47 minutes 12 secondes et elle est tombée justement dans les parages fixés dans les eaux internationales. Le lancement a été effectué par le système de lancement vertical d'angle maximal pour la plus longue portée et n'a eu aucune influence sur la sécurité des pays voisins. Le nouveau lancement a vérifié comme le premier les caractéristiques du détachement de la rampe, de la séparation par étapes, du système structural et d'autres, confirmer la précision et la crédibilité des caractéristiques de travail des moteurs multipliés pour assurer la portée maximale dans l'espace actif et des systèmes de guidage et de stabilisation améliorés. On a vérifié de nouveau les caractéristiques de contrôle de position de la tête de l'ogive lourde dans l'espace intermédiaire après la séparation de la tête de l'ogive, et confirmer que le guidage et le contrôle de position de la tête de l'ogive ont été justes au moment du retour dans le système de lancement vertical, plus dur que dans les conditions réelles de vol à portée maximale, qu'a été assurée la stabilité de la structure de la tête de l'ogive dans la condition de haute température de quelques 1000 degrés, et que le dispositif de contrôle de l'exposition de l'ogive nucléaire a fonctionné normalement. S'exprimant très satisfait de la réussite qui n'a montré aucune erreur, le dirigeant suprême a apprécié haut les scientifiques, techniciens et cadres du secteur de recherche de fusées et leur a adressé le remerciement spécial au nom du comité central du parti. Avec fierté, il a dit que le deuxième lancement d'essai a permis de vérifier de nouveau la crédibilité du système de fusée balistique intercontinentale, montrer la capacité de lancer par surprise la fusée balistique intercontinentale à n'importe où et à n'importe quand, et prouver nettement que tout le territoire américain est dans la portée de notre fusée. Il a indiqué que si nous avons effectué le lancement d'essai pour la portée maximale de notre fusée balistique intercontinentale, c'est pour donner un avertissement sévère aux États-Unis qui lancent ces jours-ci des propos absurdes et irraisonnables. Il a ajouté que maintenant les politiciens américains pourront comprendre correctement que si les États-Unis, État agresseur, portent atteinte à notre République, ils ne pourront pas sortir sains et saufs. Il a dit que les propos de guerre absurdes des États-Unis ou leurs menaces de sanctions extrêmes contre notre État nous sensibilisent davantage et justifient notre possession d'armes nucléaires, et que pour notre peuple qui a déjà vécu les troubles causés par la guerre provoquée par les barbares américains sur ce territoire, la puissante dissuasion de guerre pour la défense de l'État est un choix stratégique indispensable et le bien stratégique précieux à jamais irréversible et inéchangeable. Il a souligné que si les Amerlocs se démènent désespérément avec le bâton nucléaire puyant sur ce territoire, malgré nos avertissements réitérés, nous allons les apprendre bien avec nos forces stratégiques nucléaires montrées de façon méthodique jusqu'à présent. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a félicité chaleureusement les scientifiques, techniciens et cadres du secteur de la fusée qui ont réussi au deuxième lancement d'essai de la fusée Phason 14 pour manifester de nouveau la dignité indépendante et la vigueur de la puissance nucléaire du Tse, puissance de fusée d'ordre mondial, avant de se faire photographier en souvenir avec eux. Notre République en avant sous la bannière de la nouvelle ligne du Grand Parti du Travail de Corée, qui consiste à développer parallèlement l'économie nationale et les forces nucléaires, mettra au point une plus grande quantité d'armes stratégiques originales les plus puissantes pour manifester dans le monde entier la puissance invincible et le potentiel de développement inépuisable de la Corée du Tse, jusqu'au jour où seront nettoyés complètement l'impérialisme américain et ses suivistes qui cherchent à supprimer la dignité nationale et le droit à l'existence, afin de remporter à coup sûr la victoire finale dans la confrontation anti-impérialiste et anti-américaine. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a été accompagné de Lee Byung-chul, de Kim Nak-kyum, de Kim Jong-sik, de Chang Chang-ha, de Chun Il-ho, de Yu Jin et de Cho Yong-won.